I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Mais pour montrer où ban objet ou dis-moi comment zot appelé. Mais pour montrer où ban objet ou dis-moi comment zot appelé. The key. Ça c'est un. La clé. Ça c'est un. La clé. The glass. Ça c'est un. Verre. Ça c'est un. Verre. The watch. Ça c'est un. Montre. Ça c'est un. Montre. The glasses. Ça c'est un. Lunette. Ça c'est un. Lunette. The telephone. Ça c'est un. Téléphone. Ça c'est un. Téléphone. The comb. Ça c'est un. Pain. Ça c'est un. Pain. The scissors. Ça c'est un. Ciseau. Ça c'est un. Ciseau. The razor. Ça c'est un. Rasoir. Ça c'est un. Rasoir. The envelope. Ça c'est un. L'enveloppe. Ça c'est un. L'enveloppe. The pencil. Ça c'est un. Crayon. Ça c'est un. Crayon.